Alors, la deuxième partie, c'est la partie des questions. La troisième partie, c'est la partie des réponses. Il est à minuit, celle-là. L'homme a une conscience. Comment se développe-t-elle? Il y en a plusieurs, donc. L'homme a deux consciences. Lesquelles? Une conscience mémorielle et une conscience instantanée. La conscience mémorielle se développe par l'expérience à travers le temps. Plus il y a de la mémoire, de l'information qui se mémorise chez l'individu, plus l'individu peut y faire référence au cours de sa vie. Et la conscience, elle apparaît lorsqu'il y a identification de la mémoire dans la mémoire, donc identification des mémoires de l'individu par rapport au reste du monde. Alors, cette conscience, elle apparaît lorsque, à un certain âge, l'enfant découvre qu'il n'est pas simplement une troisième personne du singulier. Quand tu étais jeune, tu disais « Charles a faim ». À un moment donné, ben, « j'ai faim ». Alors, la conscience commence à apparaître là, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'expériences mémorielles ramassées chez toi que tout ce qui a été, tout ce qui a trait uniquement à ce qui t'entoure en tant qu'individu finit par se souder ensemble, ça va créer l'ego. Et là, va commencer l'ébauche d'une conscience mémorielle, une conscience astrale. Conscience est celle qui nous fait souvent souffrir, qui va nous permettre d'être manipulable et d'être charrié toute notre vie. Et c'est cette conscience-là aussi qui va entreprendre le cheminement évolutif vers une forme de salut. Et cette conscience va toujours expliquer le salut d'une façon ajustée à ce qu'elle est. La conscience astrale est une conscience qui est créée par le monde de la mort lors des réincarnations, en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui, et créée par le fait que la réincarnation, que ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de notre vie, plus l'expérience que l'on ramasse mémoriellement autour de nous. Alors, l'ego aura l'impression d'avoir été créé, c'est le cas, par quelque chose dans le ciel, c'est le cas. Ce n'est pas de l'esprit, c'est de la mémoire. Et l'ego aura l'impression, à un moment donné, qu'il doit être sauvé, c'est le cas. Il sera sauvé par un Dieu et il pensera que c'est le même Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas le cas. Il sera sauvé par un Dieu du point de vue de l'ego. C'est le cas. Et ce Dieu-là, c'est l'intelligence de l'homme, de la femme, de l'enfant, c'est l'esprit, c'est vous. Mais là, on parlera de la deuxième conscience. La deuxième conscience de l'humain, c'est une conscience instantanée qui n'est pas tributaire de l'expérience planétaire. C'est une conscience qui ne pose pas de questions. C'est une conscience qui ne fouille pas dans sa mémoire. C'est une conscience qui n'essaie pas d'expliquer le neuf à partir du vieux, comme va le faire la conscience de l'astral. C'est une conscience qui ne suit pas de cours. C'est une conscience qui n'apprend rien. C'est une conscience qui sait tout lorsque c'est nécessaire qu'elle le sache. C'est de l'esprit. Ça ne se développe pas, c'est-à-dire que en termes de conscience, ça ne se développe pas. Ce qui se développe par rapport à l'homme, ce qui se développe, c'est l'expression de la conscience dans le contexte de l'homme. Alors, on pourra dire, votre conscience pré-mentale se développe. En réalité, c'est l'expression de votre conscience pré-mentale qui se développe. La conscience elle-même au niveau supramental, la conscience spontanée, la conscience instantanée, ne se développe pas. Par contre, elle finit par être de plus en plus exprimée. Qu'est-ce qu'une liberté de conscience? Une liberté de conscience, c'est une liberté, c'est la possibilité d'avoir une conscience instantanée. Donc, si elle est instantanée, cela veut dire qu'elle ne dépend jamais des mécaniques de mémoire. Donc, elle ne dépend jamais des colorations émotives. Donc, elle n'est pas tributaire d'aucune limitation. Une liberté de conscience, c'est lorsque toute l'humanité est convaincue que telle affaire est mauvaise, puis vous êtes convaincu que ça reste bon. Vous avez probablement une conscience libre, c'est-à-dire que votre conscience n'est pas déterminée par autrui, par le collectivisme, par les mémoires, par ce que vous apprenez. Une liberté de conscience, c'est ce qui va faire en sorte que l'être humain ne sera plus assujetti aux religions, aux sectes, aux traditions, aux rituels, aux cultes, aux morales, au système social. Une liberté de conscience, un être humain qui a une liberté de conscience, c'est un être humain qui est autonome, qui est son seul maître. Alors, c'est ce que c'est qu'une liberté de conscience. La conscience peut-elle avoir de l'amertume si elle est bloquée par l'astral? Jamais. Par contre, l'astral va expérimenter le blocage de la conscience et une partie de l'astral qui a été développée par le vouloir de l'astral de devenir la conscience, expérimentant le blocage de la conscience, lui va vivre de l'amertume. Et si on ne discerne pas encore chez soi ce que c'est, on aura l'impression que la conscience est amère alors que la mémoire de la conscience l'est. Et c'est toujours la même chose, une personne va dire « Oui, mais là, moi, là, j'ai une jalousie, tu sais, mais elle est mentale. » Non. Il y a une partie de l'ego qui a expérimenté le mental et qui vit de la jalousie, et puis mélange les deux, puis il dit « Moi, j'ai de jalousie mentale. » Le mental n'est pas jaloux. Le mental, il est logique. Et l'intelligence n'est pas jalouse. L'intelligence, elle est conséquentielle. Elle est intelligente, elle est spontanée. Donc, il n'y a pas de jalousie. C'est la même chose pour là, il n'y aura pas d'amertume, mais l'ego va vivre une amertume. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, après un contact avec une énergie que l'ego appelait divine, la personne aura l'impression, par la suite, que Dieu est malheureux de voir ce que l'homme fait. Non. L'intelligence, lorsqu'elle a touché l'individu, lui a fait voir ce que l'homme devrait faire. Le contact entre l'intelligence et l'expérience du contact par le plan astral, par l'émotivité, va trouver plâtre, dommage, malheureux que l'homme ne le fasse pas. Et par la suite, le mélange des deux va faire en sorte que la conscience astrale, la conscience immorielle, aura l'impression que Dieu est malheureux que l'homme ne le fasse pas. Alors que Dieu n'est pas malheureux que l'homme ne le fasse pas. L'homme est malheureux. C'est ça, c'est la saveur de l'homme par rapport à lui-même ou par rapport à sa déception. Carlos Castaneda parle de l'allié. Est-ce notre anti-homme ou bien une farce de l'astral? Bon, Carlos Castaneda, pour ceux qui ne connaissent pas Carlos, est-ce que tu connais Carlos? Non. Je ne connais pas Carlos. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Castaneda, c'est un personnage qui, à un moment donné, a été initié par un sorcier mexicain à différentes drogues particulières qui l'ont amené à descendre, à rencontrer des entités de la nature qui, si tu fais un pacte avec elles, vont servir l'humain, mais tu as un échange. Bref, c'est problématique. Plus tard, Castaneda va avertir ses lecteurs et lectrices qu'une grande partie de ses anciens livres devraient être brûlés parce que... danger. Et on a brûlé ce livre-là à place. On a gardé les autres. C'est bon. Lorsqu'il parle de l'allié, il parle uniquement d'une... Il parle d'une entité naturelle qui est attachée au corps physique et au corps vital normal de la race humaine. Et par certaines mécaniques de sorcellerie, on peut parvenir à contrôler cet allié, cette mécanique. Et elle peut nous aider en tant qu'animal humain à améliorer notre contexte planétaire. Elle peut nous aider, cette mécanique caste vitale, donc une mécanique vitale, une entité de la nature, ça peut nous aider dans l'illusion de notre évolution, à aller vers une illusion plus intéressante. Ça existe. On devrait s'en servir pour la guérison uniquement. Et non pas pour porter des messages ou encore comme vecteur pour contrôler d'autres mécaniques. Enfin bref, c'est Carlos Castaneda s'est surtout rapproché de la sorcellerie, de la magie noire. Le bonhomme qu'il a rencontré avait blanchi la magie noire. Mais de la magie noire, c'est toujours une magie qui fait en sorte que vous allez payer le prix à un moment donné. C'est pourquoi on appelle ça de la magie noire, c'est-à-dire que ça va vous évoluer, ça va vous refroidir. Ça t'apporte des bénéfices à court terme, mais il y a un karma de rattacher à ça. Ouais, alors c'est pas l'anti-homme, mais c'est près de l'anti-homme, c'est le personnel quand même, c'est bien, mais ce n'est pas l'anti-homme, c'est une entité vitale qui s'occupe de votre corps physique, qui s'occupe de votre corps vital. Et normalement, l'être humain, à un certain niveau de l'évolution vitale, il y a une entité qui peut s'occuper d'un contexte, d'un territoire. Ce serait compliqué à expliquer. Et c'est ce qu'eux vont aller chercher au niveau des messages. Est-ce que ça a un rapport avec l'ange gardien qu'on a... Pas tout à fait. C'est un ange territorial. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, on va se rapprocher encore de ce que lui a connu avec le sorcier. Disons qu'à un moment donné, on fait une cérémonie du serpent. Et tu peux devenir l'ami du serpent et le serpent, par la suite, va te protéger. Mais c'est pas le serpent, c'est pas celui-là qui te protège. C'est un serpent. Et qu'est-ce que c'est l'allié, si on a comme ou l'aigle royal, par exemple, chez certains Indiens encore du Mexique Nord ou du sud des États-Unis? Tu deviens l'ami de l'aigle, mais il arrive simplement que l'entité naturelle qui protège ton corps physique, ton corps vital, a un certain palier, c'est une entité territoriale, elle protège aussi le corps du serpent, le corps de l'aigle. Alors, tu vas te servir du serpent pour entrer en contact avec l'entité, et par la suite, tu vas communiquer en fonction de l'image du serpent pour entrer en contact avec l'entité, et celui-ci, te gérant toi et gérant autrui, peut faire en sorte que l'entité du serpent va faire que tu vas gagner une guerre. Pourquoi? Parce qu'il va faire peur aux chevaux des ennemis. Mais c'est pas le serpent. C'est l'entité qui gère territorialement l'énergie vitale de ceux qui sont sur son territoire. Donc, ça peut empêcher tes ennemis de dormir, ils sont trop fatigués à un moment donné. Ou ça peut leur faire voir des hallucinations. C'est le lien. Croyez-vous à la théorie du split de l'âme, c'est-à-dire à l'idée qu'une âme recherche continuellement son âme sœur dans le but de s'harmoniser et de former un tout? Non, je ne crois pas à cette théorie. C'est total, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Effectivement, l'âme cherche à trouver son âme sœur ou son âme frère. Hein? Parce que c'est une idée de gars, ceci-là. Bon. Alors, et son âme sœur. Et pour s'harmoniser, former un tout. La pire chose qui peut arriver à un être humain qui évolue, c'est de rencontrer son âme sœur. Pourquoi? Pour la simple raison que l'âme devient paradisiée automatiquement, c'est le bonheur parfait, il n'y a plus aucune question d'évolution présente dans ce cas-là. C'est fini. Ils peuvent mourir, on n'a plus rien à faire avec ces personnes-là. Et je ne dis pas que vous avez rencontré un homme ou une femme avec lesquels vous entendez super bien. Oui, c'est pas l'âme sœur. Avec l'âme sœur, ça n'est pas bien. L'idée de l'âme sœur est de rechercher tout ce qui, dans nos mécaniques réincarnationnelles qui nous constituent, ont échappé à l'attraction de notre corps physique et sont ramassés ailleurs. Les retrouver, c'est de recréer le contexte parfait avant même qu'il y ait une scission réincarnationnelle pour engendrer la réincarnation planétaire. Et il n'y a rien de plus dangereux que de rencontrer son âme sœur. De ce fait, ça n'arrive à peu près jamais. Est-ce que normalement, l'âme sœur ne serait pas plutôt contenue dans un corps physique du même sexe que le nôtre? C'est habituellement le cas. Ça serait deux hommes, deux femmes? Habituellement, c'est le cas. Et ça serait plutôt un ami? Ouais, ça dépend des... peut-être ton fils, peut-être ton père, peut-être ton chum, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut, normalement, ça serait... Oui, normalement, on s'entend tellement bien qu'il n'y a plus d'évolution possible entre... Quand une âme, c'est sûr qu'une personne qui a suffisamment d'intelligence, elle rencontre une âme sœur, elle va être capable de continuer à évoluer parce que si elle a suffisamment d'intelligence, ça veut dire qu'elle a des raisons intelligentes d'évoluer et non plus des raisons émotives. Il faut évoluer parce que Dieu est en colère, il faut évoluer parce qu'on veut fuir l'enfer, il faut évoluer parce que je t'ai carré de souffrir, ce sont des raisons émotives. Quand tu rencontres ton âme sœur, toute l'astral qui te pousse à évoluer est tellement bien qu'il n'y a plus question d'évolution. Alors, rencontrer son âme sœur, c'est un gros, gros, gros problème. Et là, je parle de véritable âme sœur. Je ne parle pas de l'idée de rencontrer l'idylle de ses rêves. Puisque là, on la rencontre pour quelques années. Est-ce que le fait de m'énerver parce que je n'ai pas d'emploi et que je suis insatisfait lorsque j'en ai un, que je me sens seul lorsque je n'ai pas d'amis, de cœur, et que je deviens insatisfait lorsque j'en ai trouvé, lorsque j'en ai trouvé ça ressemble à une femme, ça. Sont des étapes prévisibles si je suis dans un processus... J'en connais plusieurs. Un processus évolutif. Les hommes, ils se cachent, ils me disent pas, c'est pour ça que je dis ça, là. Bon, premièrement, si vous êtes une personne très compliquée. Pas parce que ce que vous avez écrit, mais par la façon dont vous écrivez. Puis là, je pourrais m'amuser énormément ici, mais c'est pas le cas. Bon, je ne fais pas de consultation, ni publique, ni privée. Bon. Posons-nous la question, est-ce que le fait de m'énerver parce que je n'ai pas d'emploi, trouvez-vous ça intelligent de vous énerver? Oui, continuez à vous énerver. Non? Correct. Vous allez continuer à vous énerver quand même. Mais au moins, vous trouvez pas ça intelligent. Et que je suis insatisfait lorsque j'en ai un. C'est intelligent. Oui, continuez à être insatisfait. Non, ça les continue d'être satisfait, mais au moins vous savez que c'est pas intelligent. Bon. Que je me sens seul lorsque je n'ai pas d'amis, c'est-tu intelligent, ça? Eh oui, continuez à vous sentir seul. Non, vous allez continuer à vous sentir seul, mais au moins vous le savez. Et je deviens insatisfait lorsque j'en ai, c'est intelligent, ça? Bon, ce sont des étapes pénibles, prévisibles, si je suis dans un processus évolutif. C'est intelligent, ce que vous vivez. Il y en a plusieurs qui vivent des choses similaires, là. C'est leur automobile, c'est ça. Là. C'est intelligent, ce que vous vivez. Si vous répondez oui, on n'a plus rien à se dire. Si vous répondez non, est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous vous rendez compte que, à un moment donné... Et alors, on arrivera à une conclusion évidente. C'est pas vous qui contrôlez votre vie. Ni votre vie interne, je parle. Vous n'êtes pas votre maître. Et c'est ce qui me fait dire souvent que l'être humain est manipulé. C'est important de comprendre l'idée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez même finir par vous sentir coupable, par vous détester, par vous haïr. Ça commence en Afrique, ça. Et puis, tout ça, ça ne vous regarde pas. Est-ce que ça fait partie du processus même de l'évolution? Oui. Dans plusieurs cas, c'est un peu dommage. On peut améliorer les choses. On veut vous amener vers l'écœurement de l'écœurement. Et la majorité des êtres humains qui n'appliquent pas suffisamment ce qu'ils découvrent ou apprennent de ce qui est intelligent d'appliquer dans l'évolution, ce qu'ils ne mettent pas en pratique, ben, leur ajusteur de pensée va finir à un moment donné par les tripoter pour qu'ils finissent par l'ouvrir, avoir un contact avec leur propre esprit. Et normalement, l'ajusteur de pensée devient opérationnel seulement quand l'individu est rendu dans une crise d'écœurement. Ce qui va faire en sorte que plusieurs personnes qui évoluent, à un moment donné, n'ont plus d'emploi, n'ont plus d'argent, n'ont plus d'amis, n'ont plus rien. Et puis, mais à un moment donné, ils sont heureux là-dedans, fait qu'on continue à bûcher dedans. Jusqu'au jour où là, ils en ont ras-le-bol. Puis ils en ont tellement ras-le-bol que là, finalement, ils finissent par commencer à se réveiller. Et l'ajusteur commence à être opérationnel. Donc, c'est un processus prévu, prévisible et connu de l'évolution vers l'esprit. Je ne vote pas pour. Je ne suis pas pour. Je suis contre. Il y a des façons d'améliorer les choses. Je ne peux pas tout vous expliquer ce soir. Il y a plusieurs conférences que j'ai faites qui en parlent. Puis on va en faire d'autres aussi. Si on regarde d'un autre point de vue, si c'est le seul moyen d'évoluer, bien, c'est pas le seul, puisque tu as dit qu'il y en avait d'autres, mais le seul qu'on a. Je le sais, mais si tu vas dire, oui, mais c'est parce que c'est pas vrai. OK. Mais c'est vrai. OK. C'est le seul moyen qu'on a. C'est intelligent. C'est ça. Mais c'est l'ego qui va ramasser ça pour lui-même et qui va se dire, ben donc, ben, je sais que c'est intelligent. Pour celui qui n'a pas assez d'intelligence. Alors, si tu me dis, toi, que c'est intelligent, c'est que tu as assez d'intelligence, donc tu devrais savoir que c'est pas intelligent. Pour toi. Intelligent pour les autres, qui comprennent pas, mais pas pour toi. Je comprends. Un petit gâteau. T'es intelligent. T'es intelligent. Puis d'autres questions. Lorsque je pratique la respiration en deux volets, pour une fois qu'il me fait un compliment. Lorsque je pratique la respiration en deux volets, il se mais produit ce phénomène. Mais c'est un compliment, c'est pas une vraie réalité. C'est ça. C'est un compliment. T'aurais pu arrêter tantôt. Ah, ben... C'était parfait, là. Fallait qu'il gâche. Lorsque je pratique la... Je t'ai pas écouté la cassette. C'était une farce. Je l'aurais écouté, celle-là. C'était une farce. Lorsque je pratique la respiration en deux volets, il se produit ce phénomène. Cela se passe au niveau sexuel. Alors, je ne sais pas c'est quoi le phénomène. Comment canaliser cette respire énergie? En deux volets. Je ne ferai pas ça devant le monde. Je vais la relire. Là. On va la réécouter. Je suis en train d'essayer de respirer à deux volets. Ça. Lorsque je pratique la respiration en deux volets, il se produit ce phénomène. Deux points. Bon, cela se passe au niveau sexuel. Comment canaliser cette énergie pour la placer ailleurs? Ailleurs, vous voulez dire quoi? La respiration en deux volets est une respiration énergétique, énergisante. Comment on fait ça? On s'inscrit au PMC. Alors, ben écoutez, ça prend une heure et demie ou deux heures à expliquer. Là. Puis, t'as une cassette qui va avec, t'as des dessins, t'as tout ça. Je peux pas t'expliquer ça, là. Bon. Alors, la respiration en deux volets, donc, c'est une respiration qui est énergisante, ce qui fait que si elle est énergisante, nécessairement, elle amène de l'énergie. L'énergie vitale qui est amenée est une énergie qui est identique à l'énergie sexuelle, qui est de l'énergie vitale. Et l'individu qui en manquait ou qui en a trop, qui canalise mal, qui n'est peut-être célibataire, on dit, bon, peut-être qu'il est célibataire. Alors, nécessairement, il y aura, l'ego va se servir, ou la programmation de son corps physique va canaliser ce surplus d'énergie, probablement dans une mécanique sexuelle, parce que c'est un peu comme si l'ego ou le corps physique était assoiffé d'eux et avait besoin d'eux. À un moment donné, il y aura la personne, elle fait le PMC par la poste, et à un moment donné, il va y avoir un atelier complet d'une journée ou d'une demi-journée où je vais rencontrer tous ceux qui vont finir le PMC1, donc ceux qui vont être les finalistes. Et là, on va parler, expliquer ces choses-là, ce qui fait que je ne répondrai donc pas complètement ce soir ici, mais la personne, elle sait au moins qu'à un moment donné, elle aura ses réponses. Je me demandais qu'est-ce que tu allais faire toute une journée, là, pour canaliser l'énergie sexuelle de tout le monde. Non, mais non, il y a d'autres questions qui vont se poser. Comment se défendre ou agir en face d'un extraterrestre ou d'extraterrestre? Première chose, c'est que vous devez être un terrestre extra. C'est la première façon de réagir devant un extraterrestre. C'est être un terrestre extra. Et ce n'est pas juste uniquement un jeu de mots ou une bonne farce, c'est un fait. Première chose. Tu reposes la question? Comment se défendre ou agir en face d'extraterrestres? Autre chose. On ne doit pas continuellement penser que le fait qu'on, du moment qu'on rencontre un extraterrestre, il nous attaque. Tu poses la question? Comment se défendre ou agir en face d'extraterrestres? C'est-tu moi qui lis mal ou bien comprendre? Ouais, tu la poses encore? Non, il faut bien s'ajuster à celui qui pose la question. Vas-y, pose la question. Comment se défendre ou agir en face d'extraterrestres? Bon, dans votre cas, la première chose que vous avez à faire, c'est... Je ne dis pas que vous le faites, mais je dis que inconsciemment, c'est de ne pas vouloir rencontrer des extraterrestres. Cessez de vouloir en rencontrer, ça ne veut pas dire qu'on ne les rencontrera pas. Deuxièmement, ça veut dire aussi une chose, c'est que là, il y a une projection au niveau de l'extraterrestre. La personne devrait commencer par avoir confiance en ce qu'elle est. Avoir confiance en ce qu'elle sait. Développer son discernement entre son intuition qui la trompe et son intuition qui l'amène à quelque chose de vrai. Et l'extraterrestre qui va venir vous chercher va nécessairement être un extraterrestre qui va venir de l'avenir et qui sera vous. Et c'est pourquoi vous allez être capable de le reconnaître. C'est là qu'il faut être un terrestre extra. Oui. Être assez lucide et rester vivant oui. quand ça arrive. Si tu es trop émotif et spirituel, tu vas dire « Regarde, c'est moi ça, c'est exactement ça que je vais devenir. » Tu sais, on a un qui te met de quoi de beau, là, puis c'est ça que tu veux devenir, tu vas le suivre. C'est pas ça du tout, là. Autre chose, un extraterrestre ne s'intéresse pas. Les extraterrestres véreux, qui sont plus souvent contrairement à des intraterrestres, ceux qui vont kidnapper, ceux qui vont opérer, ceux qui vont violer, ceux qui vont... On dit « ézéchialiser ». Mais on dit violer aussi. Ces extra ou ces intraterrestres-là ne s'intéressent pas aux êtres humains qui se conscientisent. Leur génétique est trop puissante à ces humains-là. Il n'y a rien à faire avec eux. Parlant d'intraterrestres, il faut que je te dise ça, j'ai oublié de te dire. J'ai un ami qui vend des téléphones cellulaires, tu le connais? Alors, je pensais te parler de ton chat qui t'a fait manger par exemple. Puis un homme qui est allé le voir il n'y a pas longtemps pour acheter un téléphone cellulaire, mais le plus puissant possible, parce que c'était pour communiquer avec des intraterrestres. Alors, tout le monde arrive dans le bureau, sauf lui. Lui, il s'en occupait. Et puis, il est revenu il après. Il a vendu tes téléphones. Il a vendu le téléphone, mais il était très sérieux. Quand il y a du monde qui commence à se promener, il va parler d'affaires comme ça, tu peux dire qu'ils ont été charriés ou n'importe quoi. Oui, c'est extrêmement facile de dire c'est un fou. Mais l'idée, simplement, c'est que le fou... Il est assez fou, mais si assez riche. Si le fou a l'argent pour acheter un téléphone cellulaire assez puissant, si le fou... Il faut voir, il faut rencontrer le fou. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, il faut qu'on s'ouvre les yeux un peu puis se dire, il est peut-être charrié, il est peut-être pas charrié, il est peut-être fou, il est peut-être pas fou, mais tout se peut. Puis, c'est très sérieux. Puis, si on se dit, ouais, celui-là, là, finalement, c'était un fou, ça n'empêche pas qu'il y en a un, à un moment donné, qui sera pas fou ou qui sera pas folle, qui... Effectivement. Ça ferait une bonne annonce pour quand t'es là. Trois doigts. La technique de la main morte, c'est quoi? La base, s'il vous plaît. À un moment donné, lorsque j'étais jeune, n'est-ce pas, mon frère, qui était un petit peu plus jeune que moi, voulait suivre des cours de judo. Le jus d'orange. Alors, ma mère, elle l'a envoyé sur aller inscrire des cours de judo. Mais les cours étaient le soir. Ah, vu que les cours étaient le soir, il fallait pas que mon frère qui suivait des cours de judo se fasse attaquer, ce qui fait que ma mère, elle m'a forcé à en faire avec lui pour le protéger quand il allait ses cours de judo. Une vraie mère. Alors, je fus inscrit, n'est-ce pas, à des cours de judo. 6 mois après, j'en faisais 5 fois par semaine et ma mère a pensé que je devrais peut-être en lâcher un peu. J'ai fait du judo, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du karaté, différents styles. J'ai fait du bojutsu, j'ai fait du kyudo, j'ai fait du kendo. Toutes les cochonneries d'eau. Et puis, à un moment donné, eh bien, j'ai innové. Et en innovant, bien, j'ai découvert des choses intéressantes. Et puis, j'ai inventé ce qu'on appelait à l'époque l'ukikiaido. Hein? Parce qu'il fallait être traditionnaliste. J'étais jeune quand même. J'étais à 14 ans. Encore un peu traditionnaliste. Uki veut dire partenaire. Donc, en judo, on a Tori, Uki. Tori fait le mouvement. Uki, c'est le partenaire à qui tu fais le mouvement. Partenaire. Dans un système de combat, partenaire veut dire que l'ennemi peut plus être un ennemi, c'est un partenaire. Kiai, c'est l'union de l'esprit. On l'aurait, par exemple, en Aiki. Aikido, voie de l'union de l'esprit. Aiki, Kiai, c'est la même chose. Kiai est aussi le summum de l'énergie vitale concentrée dans une région particulière du corps physique. Alors, en faisant un Kiai, le cri de l'esprit, tu peux paralyser quelqu'un, tu peux le tuer, tu peux le réanimer. Bon. Uki Kiai Do veut dire voie de l'union de l'esprit avec le partenaire. Do, c'est le chemin, c'est la voie. Judo, voie de la souplesse. Karate Do, voie du combat à main nue. et Kikaido voit de l'union de l'esprit avec le partenaire. C'était un art martial qui faisait en sorte qu'on devait parvenir à être tellement en union d'esprit avec l'autre que lorsque tu te fais attaquer, si tu te donnes un coup de poing, tu l'as prévu le coup de poing, tu es déjà prêt à le bloquer, tu as déjà commencé à le bloquer, fait que tu n'arrives jamais en retard. Puis l'autre, il frappe ou ce que tu bloques, autrement dit. Et par la suite, on a développé, on a altéré un peu, et puis c'est devenu l'art d'EM. EIM, entraînement de l'intelligence en mouvement. Et là, on parlait tout à l'heure de la paradisiation. L'intelligence en planète Terre a un problème. Alors, on doit maintenant former les êtres humains qui auront un contact avec de l'intelligence pour qu'ils puissent être capables d'être dynamiquement efficaces dans le contexte planétaire tout en restant des êtres branchés à leur esprit, à eux-mêmes. Donc, entraînement d'intelligence en mouvement. Et dans leur thème, le summum de leur thème, c'est l'art de la main morte, qui fait simplement en sorte qu'un individu qui, par exemple, t'attaque, mais l'idée n'est toujours pas de l'attaque. Quand on parle d'art martial, d'art de combat, on ne parle pas de sport, on ne parle pas de technique, on parle d'un art où le pire ennemi est ton maudit ego, qui est toujours en train de te faire voir des choses. Alors, tu dois être capable d'agir dans une dynamique qu'on appelle un équilibre instable en Ardem, sans que l'ego vienne s'en mêler. Et là, tu as gagné. Pour le reste, on s'en fout. Il se trouve que quand tu as gagné là-dessus, il n'arrive plus rien non plus à l'extérieur. L'art de la main morte, c'est qu'un individu qui vous attaque, si vous lui donnez un coup de poing, il ne sentira pas. C'est comme s'il n'y avait rien. Et comme tout à l'heure, je disais, c'est comme s'il se battait avec du vent. Alors, il y a des techniques qui demandent un contrôle assez important de l'événement, qui font en sorte que l'individu, il te saute dessus, puis finalement, il se sent bien, il dort, il est couché, il se remonte à terre délicatement, joli comme ça. Puis là, quand il se rend compte que tu t'en vas, là, mais là, il se demande s'il doit encore t'attaquer ou pas. Il est plus sûr. Il est plus sûr, pas à cause qu'il est bien, parce que là, il se demande, là, un gars qui peut faire ça, là, ou une fille qui peut faire ça, là, peut faire d'autres choses. Mais l'art de la main morte, c'est simplement ça, c'est qu'il n'y a plus rien au niveau du combat. Alors, c'est ça. Si un jour nous ne ressemblons à rien à ce que nous sommes maintenant avec un ego, à quoi cela sert-il de travailler à rester conscient? Si vous travaillez pour rester conscient, c'est que votre conscience est mémorielle. Donc, on travaille pour ne pas oublier. Lorsque on travaille pour rester conscient, ça nous amène, de toute façon, la vie va s'arranger pour nous obliger à travailler pour rester conscient. Et ça, ça va nous amener, à un moment donné, à développer une conscience instantanée qui, elle, va nous permettre de ne plus travailler pour rester conscient. Et on sera dans une conscience qui, elle est difficile à définir. Pourquoi? Parce qu'en plaçant, elle est facile à définir, mais elle est difficile à comprendre. C'est qu'en plaçant les mots, on colore la saveur des mots. Cette conscience n'est pas consciente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conscience ne peut pas se dire « Tiens, je suis conscient ». Parce que si je dis « Tiens, je suis conscient », c'est que je fais référence à de la mémoire. Si elle était consciente, elle serait morte. Elle serait mémorielle, déjà. Elle a une conscience mémorielle. Ce qui fait que, présentement, l'humain travaille à préserver une conscience, en réalité, ce que l'humain veut faire. Quand vous travaillez pour préserver votre conscience, tout ce que vous faites en réalité, quels que soient les mots qu'on emploie, vous travaillez à devenir votre seul maître. Vous travaillez à rester vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez à faire fuir la conscience astrale, la conscience mémorielle, pour préserver un contact avec de la vraie conscience. Et dans la période de transition, c'est plus ou moins essentiel que l'humain travaille à être son seul maître. Alors, à un moment donné, tu fais une connerie, puis là, subitement, tu t'en rends compte, puis là, tu continues à préserver ce que tu sais. Tu restes un connard ou une connarde, sauf que progressivement, la connardise s'éloigne de toi. Puis à un moment donné, tu n'as plus besoin de préserver, tu es conscient. Puis ça, c'est à jamais. Et c'est bien dit, c'est pas pour toujours. Quand on parle des élus, est-ce qu'on fait référence aux êtres de la nouvelle race? Ben, ça dépend de quel élu on parle. Quand on parle des élus, on parle des 144 000 élus de la Bible qui seront les seuls à aller s'asseoir à la droite du Père, sur les 144 000 sièges confortables qui sont préparés à la droite du Père. Et quand on parle de 144 853 élus, par exemple, qui est un terme plus juste, on parle de la race nouvelle. On parle de 144 853 corps physiques qui vont recevoir en réincarnation toutes les humanités du passé. Donc, on parle de tous les individus que la Terre a portés. Tous les individus que la Terre a portés font partie des élus. Pour l'ego, pour fractionner les égos, puis pour pousser les égos à pousser le mental à se développer au contact du plan supramental, on parlera de 144 000 élus, puis on bannit les autres. Mais c'est faux. L'enfer n'est pas assez grand. Quand on parle de la race nouvelle, on doit comprendre ceci. Présentement, nous faisons partie collectivement, dans le contexte américain, de la cinquième sous-race mère de la race mère blanche. Nous faisons partie de la race teutonique anglo-saxonne. La majorité des individus capables de supporter le neuf font partie de la sixième sous-race. La majorité des individus capables d'appliquer des choses neuves font partie de la septième sous-race et nécessairement entrent dans la sixième race mère, la race bleue, la race nouvelle. La première sous-race de la race neuve est une race où l'humain doit travailler. La deuxième sous-race, l'humain doit travailler. La troisième sous-race, il n'y a plus de sous-race. L'humain ne travaille plus comme on le fait présentement. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus de personnes qui sont susceptibles de savoir de ceux qui ne peuvent pas savoir et de ceux qui savent. Tout est changé. Ce qui fait que, à partir de la fin Lémurie, l'Atlantide et la race indo-européenne, la nôtre, la race de souffrance, à partir de cette finalité-là, nous allons recommencer à évoluer d'une façon beaucoup plus androgyne du point de vue du point de vue. Et tout est complètement différent. Alors, lorsque l'on parle de 144 000 élus, ou lorsqu'on parle des élus, on parle de... Dans quelques années, ça tourne autour de... Bon, ça varie entre 1200 et 1800 ans. Donc, dans un avenir très rapproché, on parle d'une race, de la race bleue, où il n'y aura plus de séparation raciale en fonction des génétiques. Est-ce que les élus... Ni en fonction de la conscience. Les 144 853 élus, est-ce qu'ils vont tous être ce qu'on appelle aujourd'hui des initiés? Oh oui, absolument. C'est un stade. Je répondais à leur façon à eux, mais effectivement, oui, ce sont des initiés. Ce sont même des super-initiés. Ce sont des super-initiés. Initiés, comme dans l'initiation. Oui, ignition, non, ça c'est dans l'air du poisson. Hein. Si la création n'a pas de cause, puisqu'elle est une action et non pas une réaction, les événements produits sont-ils plutôt des interactions que des causes-effets, vu que tout s'est produit instantanément sans temps? La création est-elle l'action elle-même ou le résultat de l'action? Bon, en séminaire, je parle toujours de la création. Donc, c'est la seule action qui... Il y a eu une action au départ dans notre système créactivé, et tout le reste en découle. Si tout le reste en découle, il n'y a donc effectivement pas d'action-réaction. Il y a des réactions-réactions, ce qui fait que l'homme est totalement manipulé. Parce qu'il y a eu une seule action, c'est la création. Ah, c'était toute une. Moi, je me souviens. J'étais obligé d'arrêter de regarder le film que j'écoutais, ça avait fait du bruit. Pourquoi quelqu'un est et se sent coincé dans la solitude? Situation temporaire, mais quel en est le sens? C'est passager, mais on vous entraîne. On vous entraîne de deux façons. On vous entraîne parce qu'on vous met en pratique, puis on vous entraîne parce qu'on vous traîne vers. Alors, on vous entraîne. La conscience supramentale, l'esprit, puis ça, je ne dis pas que vous devez entrer en contact avec la conscience supramentale. Habituellement, les personnes qui viennent me rencontrer, ils sont en contact. Ils se sont fait ramasser subitement un jour, comme ça, là, ils ont commencé à se rendre compte des choses. Ils sont en contact. La conscience supramentale, elle amène l'être humain à se désassujettir. Donc, elle le rend libre, progressivement, étape par étape. Pour que cela se fasse convenablement, pour qu'un contact puisse se faire de façon à ce que l'être humain commence à développer un double éthérique qui va l'amener à une immortalité, pour qu'il y ait une fusion entre le double et le corps physique, pour que l'immortalité soit même matérielle, puis que la conscience devienne une conscience supra-énergétique, donc au-delà de l'énergie, au-delà de l'atome, l'être humain doit parvenir seul là-dedans. L'homme doit être son seul maître. La femme doit être aussi son seul maître. Et l'enfant aussi. Ça veut dire que l'humain doit se désassujettir au départ d'autrui. Pour que cela se fasse, c'est pourquoi c'est dans le contexte québécois que l'intelligence supramentale s'est le plus rapidement développée. C'est que les Québécois sont l'un des rares peuples d'hypocrites, d'égoïstes, qui ne sont pas nationalistes pour Saint-Saëns, qui ne se tiennent pas, qui ne s'entraident pas et qui se mangent la laine sur le dos. C'est une race à part. Oui, à part. Et ça, c'est fondamental pour la descente de l'intelligence dans l'homme. Pourquoi? Parce que les individus étant de nature solitaire, il y a des petits groupements, mais on parle en termes de race, de nationalité, c'est l'un des peuples les moins rituels, les moins traditionnalistes. D'ailleurs, les Anglais et Canadiens, à un moment donné, ont traité les Québécois de French Pissou parce qu'ils n'ont pas voulu aller à la guerre, uniquement parce qu'eux ne voyaient pas du tout ce qu'il y avait à faire là. C'était pas une question de peur, parce que forcez-les à se battre, ils vont se battre, mais pour pas y aller. Alors, ça l'a permis la descente de l'intelligence. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, nécessairement, vous allez devoir être confiné progressivement, dépendamment de l'évolution. C'est pas nécessaire que tout le monde passe par là. Tout le monde y passe. Il y en a, c'est une seconde, il y en a, c'est un an. À un moment donné, vous allez devoir être seul. C'est-à-dire que les personnes qui vous entouraient ne sont plus de votre calibre. C'est plus ça. Et puis, vous allez vouloir vous faire de nouveaux amis, mais ça ne fonctionnera peut-être pas à votre goût. Vous allez vous ramasser chez vous, peut-être vous avez des amis, mais subitement, la solitude commence à vous ramasser. L'homme, la femme, l'enfant, doit apprendre à assumer sa solitude. C'est vital, c'est sine qua non. Les prémices de la solitude sont l'étranglement du canal réincarnationnel. Du monde de la mort, on vous stimule moins. Vous stimulant moins, on vous occupe moins. Alors, par l'intelligence, vous allez devoir commencer à vous prendre en main, à vous prendre en charge. On vous stimule moins quand tu dis de l'astral parce que tu es plus stimulable. Sinon, il continuerait. Exactement. C'est, vu que tu étrangles le canal réincarnationnel, ben, il y a moins de stimulation qui se fait là. Ça va? Oui. Bon. Donc, on vous stimule moins, ça? Oui. Okay. Et l'individu qui ne développe pas, qui ne déploie pas son ajusteur de pensée, qui n'a pas de stimulation par l'intelligence, va vivre une phase de solitude qui peut aller jusqu'à une crise aiguë. L'individu qui est capable de rencontrer des gens de son calibre, ben, elle va parler avec ces personnes-là. L'ajusteur de pensée va devenir de plus en plus opérationnel. Et la personne va être de plus en plus stimulée, mais va par une autre source d'eau, d'une source qui est totalement intarissable, qui est celle de l'intelligence supramentale, qu'on appelle aussi énergie christique. C'est la même chose. Alors, la phase de solitude est une phase que l'individu doit apprendre à vivre. On fait des exercices de temps en temps, par exemple, on prend deux individus, on prend un groupe, puis on dit, bon, c'est la personne à qui t'es le moins sympathique. On ne dit pas qu'il était antipathique, parce que les gens, ils n'ont pas d'antipathique. Qui t'es le moins sympathique. Mettons, t'es un gars, là, avec qui t'aimerais ne pas te marier, tu sais. Là, on choisit les individus. Tu te ramasses tout seul sur une île déserte, tu as 20 ans à passer. Dans le groupe ici, là, avec qui t'aimerais pas être. Si on a des stratagèmes. Et là, ben, une telle, parfait. Là, on les prend les deux, puis on les dit, on les amène quelque part dans le bois, puis on leur dit, là, vous asseyez ici, vous avez une heure comme ça, vous regardez dans les yeux, puis vous pouvez rester là. Bon. Puis là, on s'en va. Mais là, ils sont seuls. Chacun. Ah oui. Chacun est seul. On leur a expliqué un peu avant qu'il ne fallait pas qu'ils deviennent hors focus, il fallait pas qu'ils se mettent à rire, il fallait pas qu'ils parlent. Il faut qu'on se regarde. Puis à un moment donné, ben, quand ils reviennent, là, ils sont toujours seuls, ils ne souffrent plus de solitude, ils ne sont plus seuls. Puis l'autre, ils l'ont pénétré astralement, ils ont fait un voyage astral dans son âme. C'est dans le groupe des chefs que l'expérience se crée, mais quand même. Et puis, c'est parfait. La solitude, l'humain doit apprendre à la supporter. Alors, on l'apprend par pratique ou on l'apprend par obligation. C'est utile à apprendre à supporter. Imaginez, à un moment donné, que vous allez devenir... que vous ennuierez plus. Jamais. Vous allez être comme moi. Vous allez devenir tellement intéressant que même tout seul, vous êtes intéressant, vous ennuyez pas. Ouais, le monde, il s'ennuie parce qu'on pense intéressant. Ça m'a toujours fait rire, moi, quelqu'un qui n'est pas intéressant parce qu'il s'ennuie tout seul, il rencontre un autre qui n'est pas intéressant parce qu'il s'ennuie tout seul, puis ensemble, ils veulent se désennuyer. Non, à un moment donné, vous allez effectivement être capable d'être assis sur le bord d'un lac, sur le bord de votre télévision qui ne fonctionne plus, puis attendre. On appelle cela regarder les pierres pousser. Hein? Vous allez regarder une roche dans votre jardin, vous la regardez pousser. Vous allez boire l'onde de forme, vous allez vous nourrir, il y a tellement de choses qui vont se passer. Vous ne vous ennuierez plus. Vos égos ne seront pas ennuyants. Ils ne seront pas en train de mourir d'ennui. Quand la création sera réservée par l'homme, les autres créations le seront-elles aussi? Honnêtement, je me suis penché uniquement sur cette création aussi, jusqu'à date. Est-ce que la définition de la création n'est pas d'englober toutes les créations? Ce sont des choses qui... C'est une question qui... Je ne veux pas répondre là. On va prendre trop de temps. Ça peut être coloré par des égos, pas toutes, mais quand même. Et puis, notre petit nombril créationnel, c'est déjà intéressant qu'on en parle. De temps en temps, effectivement, on parle d'un peu plus loin. Vous savez, j'ai un contact quelque part qui m'invite de temps en temps à aller fouiller à l'extérieur. Et C'est bien, mais c'est pas ça. Planétairement parlant, là, c'est pas le temps encore. Sinon, comment appeler l'ensemble de toutes les créations? Il y a un mot planétaire qui existe. Ça s'appelle... Comment? C'est quoi le mot? Aucune idée. Ça s'appelle illusion. Mais pourquoi? Faut pas qu'on en donne trop à un moment donné, c'est que ça complique les choses. Uniquement parce qu'on appose des valeurs émotives à certains mots. Je préfère être prudent. Puis c'est pas une question que les individus sont pas prêts ou sont stupides ou ça n'a rien à voir. Je connais l'astral. Oh, que je connais l'astral. J'en ai bâti une partie. Et... ça récupère l'humain facilement. Le Nazaréen dit quand quelqu'un lui demande de soigner son père mourant, « Je suis le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. » Veux-tu dire le Dieu uniquement des gens qui ne sont vivants que biologiquement, même s'ils ne sont pas conscients? C'est évident. C'est évident. Faut être vivant pour évoluer. Mort, on attend. T'es bon gars, le Nazaréen. Je ne suis pas fantastiné là-dessus. Qui était Jean Duceppe? Un homme, trois petits points. Je sais que quelqu'un meurt, on me demande qui c'était. Demandez-moi pas qui était Charles Villeneuve, OK? C'est une bonne question. Ceux qui ont parlé de séparation ou qui se sont... C'est ça, exactement. Le bonhomme, là, c'est... Il t'offre pas longtemps. Ben, il t'offre longtemps, mais il me semble que... En tout cas, leur disparition est plus spectaculaire. René Lévesque, ça a été un événement majeur. Même que ceux qui l'aimaient ou pas, quand il est décédé, c'était, il venait de partir quelque chose. Jean Duceppe, c'est un peu le même phénomène. Oui, Jean Duceppe, mais c'est trop tôt encore pour en parler. On va le laisser s'en aller. C'est trop tôt encore pour en parler. On faudrait ramener la question dans un mois. C'est trop tôt encore pour en parler. Quelle est la cause de la dysfonction cérébrale mineure? Comment peut-on en aider un enfant atteint de ce handicap? Est-ce un problème relié au degré d'évolution de l'enfant? Non. La question ici, l'enfant est particulier, ce qui fait que je ne veux pas, mais je vous dis que si je verrais l'enfant, je pourrais répondre beaucoup mieux. Parce qu'il y a, globalement, il y a des problématiques au niveau de certaines sécrétions de médiateurs neuroniques qui peuvent créer certains problèmes. Il faudrait répondre médicalement, ce qui serait extrêmement complexe. En plus, il y a certains enfants qui, au niveau de leur consistance réincarnative, se sentent mal dans leur cerveau. Ils ont des maudits égos qui vont, on parle de mécanique réincarnationnelle, qui vont niaiser le corps de l'enfant, donc qui vont niaiser l'enfant, qui, ça va leur faire en sorte qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus une application, pas d'exorciste, mais de replacement, restructurer la mécanique réincarnationnelle chez l'enfant. Un peu comme les autistiques sont des enfants qui gardent un canal réincarnationnel trop ouvert, la partie astrale qui se réincarne dans l'enfant vient vivre, elle prend de l'énergie, puis quand ça ne s'appelait pas à l'enfant, ou de temps en temps, la majorité de ce qui se réincarne retourne dans le monde de la mort. Alors l'enfant, il est dans un autre monde, c'est sûr, il repart avec. Puis l'enfant est toujours déconnecté de ce qui se passe ici, alors que les entités viennent uniquement se servir du corps de l'enfant pour se nourrir de ce qui se passe là, mais l'enfant n'est jamais sa planète. Dans certains cas de malfonction cérébrale, il y a des mécaniques comme ça qui sont à regarder. Si je refuse de rencontrer des gens que j'ai connus il y a plusieurs années à l'école, afin de se souvenir, trois petits points, est-ce que je digère par le fait même toutes ces mémoires, donc une grande partie de mon enfance et de mon adolescence? Oui, et en plus, vous vous solidifiez vers le neuf, vers l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important pour un être humain qui sera forcé à devenir intelligent. Depuis quelque temps, si j'observe d'un point de vue astral, la M, trois petits points, ne cesse de me tomber sur la tête. M, trois petits points. Ça doit être de la merde. C'est pas marqué, mais c'est ça. Ne cesse de me tomber sur la tête. C'est sûrement pas de la manne. Parce que d'habitude, on s'en plaint pas. Quand la manne. Tu as déjà reçu de la manne sur la tête? Moi, j'ai déjà reçu en plein visage. C'est gluant, c'est collant. Tu t'en es pas plaint? Ben non, mais c'est parce que quand j'ai commencé à vérifier c'était quoi, ben ça est parti. alors c'est pour ça que je disais que c'était pas de la même, ne cesse de me tomber sur la tête, mais en même temps, si je regarde seulement, si je regarde souligné, ce sont des événements sans polarité. D'un côté, une partie de moi se demande quand cela va-t-il cesser, et un autre voit tout cela et le vit simplement. Il y a une inefficacité et une impuissance d'une part, mais d'autre part, j'ai l'impression de percer quelque chose comme le mur de la polarité. Vous devez vous rappeler, ceux qui l'ont entendu, rappelez-vous-en de temps en temps. C'est amusant, c'est comique, c'est vrai. Vous devez vous rappeler l'histoire du petit oiseau qui est tombé en bas de son nid. C'était quoi déjà? C'était l'hiver. Le petit oisillon est tombé en bas de son lit, pouf, de la neige. Et puis là, il gelait. Là, il y a une grosse vache sale qui est arrivée. Elle a enjambé l'oisillon sans le voir. Elle a failli l'écraser. Puis à un moment donné, ben là, elle a fait flac. Elle a bon sur l'oisillon. Elle l'a carrément noyé dans la merde. Alors l'oisillon, il a brossé un peu, sorti sa tête de la merde. Et puis là, il attendait. La vache est en allée. Puis après ça, quelques heures après, ben il y a un loup qui est passé par là. Il a vu l'oisillon dans la merde. Ça fait qu'il a sorti l'oisillon de la merde. Il a secoué la crotte qu'il y avait après. Puis il l'a bouffé. Puis la morale, c'est que quand on te met dans la merde, c'est pas toujours pour ton mal. Puis quand on t'en sort, c'est pas toujours pour ton bien. La chaleur de la merde a sauvé l'oisillon. Et souvent, les individus qui sont dans la merde, ce sont des freins. Il y a des choses qui, c'est pas le temps. Ils réfèrent des cossins qui, bon, alors de temps en temps, on les nuit. Du point de vue de l'ego, c'est pensez-y, observez à un moment donné, puis souvent, cette merde-là n'est pas problématique. Qui est derrière l'intentionnalité de la création? Qui est le derrière de l'intentionnalité? Il y a des questions que de temps en temps vous posez et qui sont une résultante logique d'une mécanique intellectuelle ou d'une légifération, mais souvent les personnes ne sont pas aptes à comprendre la réponse. Et encore une fois, faites attention à ceci. À un moment donné, c'est évident qu'au niveau des structures évolutives, il y a des fois où je vais dire à quelqu'un « tu n'es pas prêt à comprendre ». Et la personne, elle me rétorque toujours « qui t'es pour savoir que je ne suis pas prêt ». Mais je suis celui qui connaît la réponse, écoute. Je suis donc le spécialiste de la chose. Donc, je suis capable de savoir si tu es prêt ou pas prêt. Parce que si tu serais prêt, tu le saurais. C'est banal. Et les personnes souvent s'offusquent. On ne s'offusque pas. De dire à une personne qui est leucémique, écoute, la leucémie, tu as peut-être pour 6 mois à vivre, alors que si on ne dit pas peut-être que si on la motive, va peut-être s'en sortir. Qu'est-ce que j'ai? C'est mieux que tu ne le saches pas. Tu me prends-tu pour un imbécile? Non, on parle de mécanique. Si ton ego le sait, lui va travailler contre toi. Toi, t'es correct. T'es encore investi d'un ego. Qui est derrière l'intentionnalité de la création? C'est l'homme. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est suffisant. Mais c'est au-delà de ce que l'humain peut s'imaginer, puis de ce que l'humain s'imaginera encore pendant quelques milliers d'années. Quand on ne voit plus rien autour et en d'autres moments, nous nous sentons très bien. Sommes-nous sur la bonne voie? Faites attention. Quand tout va trop bien. Tu as déjà fait une conférence là-dessus? Ouais. Restez alerte. Ne devenez pas des professionnels. Restez alerte. Les professionnels, ils leur manquent des morceaux à un moment donné puis ils se cassent la gueule. Quand tout va bien, parfait. Faites attention. Restez alerte. Est-ce que c'est mal que ça aille bien? C'est pas mal, mais dangereux. Non. Et ce qui arrive simplement, c'est que quand tout va mal, tu développes des mécaniques d'intervention, des mécaniques de protection, des mécaniques où tu vas évoluer. Tout se met à aller bien, tu laisses foirer tes mécaniques au complet. Puis là, tu retombes aussi bas que tu étais, sinon plus bas. Puis après ça, il faut que tu recommences. Puis à un moment donné, tu te vas encore bien. Ah là, j'ai compris. En fait, check, surveille-toi. Ah là, j'ai compris ce coup-là. Ouais. Puis à un moment donné, tu laisses encore tomber tes cossins, puis tu sais 5 ça. Explique-moi une forme de méditation plus ajustée à la conscience supramentale. Je vous l'explique, mais encore une fois, et c'est des choses qui doivent finir par être comprises. Ça m'a pris 5 années à être capable d'avoir suffisamment d'énergie pour vous le dire en plein visage. 5 années. Il fallait être niaiseux. Moi, je parle. Mais que voulez-vous, là, m'est manipulé? Alors, j'ai dit à mon ego que c'est parce que c'était pas le temps. Ça le satisfait. En ayant descendu des mécaniques l'intelligence supramentale, en ayant expliqué aux gens ce que c'était, etc., puis en étant capable de répondre à toutes les questions, puis en expliquant toutes les mécaniques évolutionnaires humaines en fonction de ce qu'on me pose comme question, c'était évident qu'à un moment donné, je devais m'arranger aussi pour placer des stratégies, des structures qui permettraient aux individus qui comprennent des choses de s'en servir pour parvenir à se libérer. Et j'ai mis sur pied le programme être contrôleur. Pendant 4 à 5 ans, je ne peux pas en parler. Pourquoi? Parce que je me dis toujours, je ne fais que vendre des choses. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, effectivement, Daniel, tu es correct, tu ne vends rien. Tous les individus là, qui auraient pu s'en servir, qui n'auraient eu besoin, là, ben, sont tous dans la merde. Tu es correct, tu n'as pas parlé, tu n'as rien vendu, c'est beau, félicitations. Alors à un moment donné, il faut qu'on en sorte. La méditation supramentale, c'est une finalité du PMC6. Juste un peu avant les techniques tragales. Ça veut dire normalement 3 ans. Et de donner juste comme ça, ça ne sert à rien. C'est fonctionnel. C'est formidablement fonctionnel. Les individus qui font le PMC ont une chose à reprocher au programme être contrôleur, c'est que ça fonctionne. C'est chiant pas mal des fois. Bien, c'est ça. Bien, la personne qui veut m'en donner le savoir, il faudra qu'elle prenne simplement le chemin pour y aller, puis elle le saura. Ah, les gens vont parvenir à une conscience supramentale sans le programme être contrôleur. C'est évident. Ça va prendre plusieurs années pour plusieurs. Plusieurs vies pour d'autres. Puis à un moment donné, ben, y a des mécaniques qui peuvent nous permettre d'y aller. Juste, par exemple, manger mieux, ça va vous améliorer. Ça va éliminer des parties chez vous qui permettent à l'astral d'amener vous rentrer dedans. Oh, mais c'est pas évolutionnaire. Oh, c'est évolutionnaire. Pas besoin du PMC pour ça, non. Il y a d'autres stratégies, à un moment donné, qui peuvent aussi être extrêmement utiles. Et ça fonctionne. Bien, la méditation supramentale, elle demande un paquet de choses. Tu paradises ton corps physique, ton corps vital, ton corps astral. Tu connectes ton mental à l'ajusteur de pensée, que tu sois suffisamment vivant. Il faut que tu saches, en tout cas, il y a tout. Bon, ça, c'est bien. Quand tu as tout appris, ça te prend 15 minutes, puis tu es parfaitement là-dedans, puis à un moment donné, bien, tu restes là. En méditation supramentale, ça veut dire que tu es totalement fonctionnel. Regardez ceci. On prend quelqu'un, on lui donne une technique formidable pour qu'il se branche. Il est branché, le feu prend chez lui, puis il meurt branché. Non, les corps physiques, il faut les tripoter, il faut les travailler. C'est important. Et quand je parle du programme être contrôleur, c'est pas une question. C'est une question de survie pour plusieurs personnes. L'idée, simplement, c'est que tu dois rester totalement opérationnel sur le plan planétaire, conserver ton emploi, te créer une entreprise alors, mais rester terrestrifié, capable de t'occuper de toi, de ceux qui t'entourent si tu as des responsabilités acquises dans le passé, et en même temps, capable d'appliquer totalement le contact à ce qui se passe sur la planète Terre, donc t'améliores. Une religion qui n'améliore pas l'humain et qui ne sert à rien à l'humain, ça ne sert à rien. Il faut que le contact supramental serve à quelque chose. Alors, je suis en contact supramental, mais maintenant, je suis pauvre. Bien, maintenant, lance-toi en affaires. Il y a des choses à faire. Alors, lui, la personne qui, par exemple, chemine d'une façon intelligente, conséquentielle, est une personne qui chemine exactement comme si on créait une nouvelle société. On ne crée pas de nouvelle société. L'individu doit être sa société à lui. Sauf que c'est une structuration complète. Comment on devient adulte? Bien, vous allez devoir apprendre à écrire, et apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à vous lever, apprendre à conduire une automobile peut-être, apprendre à gérer une maison, apprendre à gérer un budget, apprendre à travailler, apprendre à respirer, apprendre à vous reproduire. C'est facile de dire être un adulte, c'est... Non, c'est ça. Rentrer dans une nouvelle race, c'est autre chose. Être transportable si l'événement arriverait, c'est autre chose. C'est plusieurs petites choses que n'importe qui peut faire. Puis on ne regarde jamais notre point de départ pour savoir si on est capable. Mais si on met l'énergie qu'il faut puis si on applique certaines choses, c'est parfait. Alors, il y en a qui vont le faire avec le PMC, d'autres vont le faire sans le PMC, il n'y a aucun problème. Je ne m'en fais pas. Mais il y a des stratégies, à un moment donné, que c'est essentiel qu'un individu qui en aurait besoin, s'il veut y arriver, bien, il devra suivre l'entraînement qu'il faut, parce que sinon, il va se casser la gueule rendu là. Okay? On vous donne une pelle mécanique, on ne vous montre pas comment travailler avec elle, puis on vous dit, bon, bien, il y a un problème. Ou encore, on fait pire. On vous montre comment travailler avec une pelle mécanique, mais on ne vous montre pas un petit cours de géologie. Alors, vous arrivez avec votre pelle mécanique, vous la contrôlez à merveille, vous allez s'interroger sur un sol qui est sujet à effondrement, puis vous mourrez avec. Il y avait une petite affaire qu'on ne vous a pas montrée. Puis moi, je suis une personne qui le fait bien ou qui ne le fait pas. Lors d'une détente, le professeur a demandé d'imaginer qu'on tournait autour de la planète. Soudain, j'étais tout autour de la planète. Je m'étirais, je me dissolvais comme une fumée ou un nuage. Je suis revenu dans mon corps en paniquant. Si j'avais paisiblement laissé faire, que serait-il arrivé? Vous auriez été heureux ou heureuse, vous auriez vu d'autres petites choses, vous auriez découvert ce que c'est qu'une conscience qui peut planer, vous étiez en voyage astral, c'est intéressant, il y en a qui payaient assez cher pour y aller. Puis la problématique, encore une fois, c'est que le professeur n'avait pas prévu que vous iriez si loin en termes d'extra-conscientisation. Et quand je dis de temps en temps que c'est bon d'être préparé un peu, mais là, l'ego n'ayant pas été instruit de la mécanique, l'individu est correct, mais l'ego charrie l'humain encore. Mais l'ego paniqué, c'était du neuf, on parle de ça, du neuf. Alors l'ego est revenu dans le corps physique. La prochaine fois, la personne va être capable de faire quelque chose de plaisant, c'est correct. Ce qui est arrivé, c'est simplement ça, puisque la personne se serait laissée flotter en étant consciente d'être là. C'est important. Si elle se laisse flotter puis elle se laisse endormir, elle va rencontrer des guides spirituels, des schnick-schnock, des vichous célestins, et puis à un moment donné, il y a des problèmes. Vous savez, celui qui a dit à un moment donné, le grand maître, la plus grande phrase du plus grand maître, ça a été « Rajni, Rajnov, Flashnef, Skli ». Que veut dire? Lavez-vous le dessus des bras. Ah oui? Oui, c'est important. Un maître qui dit ça, il dit des choses qui sont applicables. La personne, si elle reste consciente... Là-bas, les techniques, ça s'appelle pas PMC, ça s'appelle arrêt d'extrasec. C'est ça. Non, ça, c'est l'évolution humaine, ça, arrêt d'extrasec. Parce que PMC, ça peut vouloir dire, quelqu'un disait à un moment donné, premier ministre du Canada, mais c'est pas ça. Ça veut simplement dire à l'astral, pas moi, compris? Tu sais, il y a une niaise en dos. Non, pas grand maître contrôleur. Mais la personne doit simplement rester consciente, elle se laisse aller. Là, ce qu'elle fait simplement, c'est qu'elle fait un voyage, elle flotte, elle apprend parce qu'elle est là. L'ego va travailler, l'ego va avoir peur, l'ego va vouloir revenir, le cœur va accélérer, il y aura une diaphorèse, il y aura une midriase, il y aura plein de petites choses. Pas grave. Reste là. Puis si l'ego a trop peur, pas grave. Puis reviens. Laissez-le, faut qu'on laisse le temps d'apprendre, faut laisser le temps à l'ego d'apprendre. Pauvre petit ego. Il nous a transportés, il nous a animés pendant des milliards d'années, puis là, on va aller. Mais non, il faut laisser le temps. Mais il faut quand même pas qu'il nous embête, parce que sinon, tout ce pourquoi lui a travaillé va servir à rien s'il ne nous laisse pas arriver. Je fais accélérer mon cœur comme si je bougeais mon bras. Je ne pense à rien, je ne fais que l'accélérer, c'est tout. Est-ce que ceci a une explication quelconque? Ben oui, bien sûr. Il y en a même plusieurs. Je peux vous en donner plein. Tu peux en donner une? Oui. Si la personne, elle bouge son cœur comme elle bouge son bras, ça veut simplement dire que le mental, donc une partie du cortex cérébral qui est capable, par les voies hypothalamiques, de donner des ordres au corps. Donc, elle va être capable d'envoyer de l'information qui va accélérer le chronomètre, par exemple, du nœud sinusal au niveau du corps. C'est-à-dire que les dépolarisations vont se faire en fonction du rythme d'un ordre, donc une dépolarisation du cortex cérébral qui va être engendrée par ce qu'on pourrait appeler la volonté de la personne. Cela veut dire que l'âme est capable de contrôler la partie de l'interpréteur actionnel qui est en contact avec la mécanique qui fait l'accélération du cœur, alors que normalement, c'est la mécanique de l'interpréteur actionnel qui communique uniquement l'émotivité qui fait ça. Vous pouvez tous contrôler votre cœur. Imaginez quelque chose qui vous fait peur, il va accélérer, donc on peut. La personne, elle le fait sans faire cela, donc elle passe pas par la partie émotive, elle passe par la partie cartésienne. C'est simplement ce qui arrive, c'est qu'au niveau cérébral, il y a une connexion qui est intéressante, qui est faite, qui lui permet ça. D'où est provenue la vision du bras droit de Dieu? Ça, c'est simplement parce que l'humain a toujours expliqué tout ce qui se passait sur le plan planétaire en fonction de tout ce qui se passait dans le ciel en fonction de ce qu'il voyait sur le plan planétaire. Or, les dieux avaient des armées, les dieux avaient des cités d'élus, les dieux avaient de la colère, de la vengeance, les dieux pouvaient aimer. Alors, nécessairement, le dieu était le père créateur, et nécessairement, les pères, les hommes, les femmes ont deux bras, ce qui fait qu'il y avait le bras droit et le bras gauche. Le bras droit, c'était toujours son fils, le bras gauche, c'était peut-être une personne qui était son serviteur, on sert par la gauche. Alors, finalement, ben voilà, le bras droit de Dieu. Mais Dieu est partout, ce qui fait qu'à la droite de tout partout, ça a toujours été compliqué, comprendre. Alors, là-dessus, je vous abandonne à votre sort. On s'amuse! On est joyeux, c'est préférable, et puis si ça vous intéresse, ben vous revenez.